Chapitre 1. L'œil gris et le sergent Carbrock voyagent de compagnie dans les chemins très peu frayés. Les hautes montagnes qui occupent le centre de l'île de la Guadeloupe et vers lesquelles, depuis le bord de la mer, le terrain s'élève peu à peu par marches immenses et magnifiques comme un escalier de géant, ont toutes été à une époque reculée des volcans redoutables. En effet, leurs laves sont encore amoncelées par blocs moirâtres et monstrueux, depuis leurs cimes chenues jusqu'au sable du rivage. Et ce qui prouve clairement la vérité de cette assertion, c'est que, ainsi que nous l'avons rapporté plus haut, le sommet le plus élevé de ces montagnes, la reine de toutes les autres, la Soufrière enfin, bouillonne encore aujourd'hui avec un bruit formidable et lance incessamment d'épaisses vapeurs par les soupiraux de ces ténébreux abîmes. Ces hautes montagnes de la Guadeloupe sont toutes couvertes de forêts. Forêts séculaires, primitives, où n'a jamais retenti le bruit de la cognée des bûcherons, que seuls connaissent les nègres marrons qui s'y réfugient, et quelques rares chasseurs de grives et d'agoutis. Ces forêts vierges servent de barrière à la fois de ceinture aux mornes. Elles sont presque impénétrables. Des arbres gigantesques de tous les âges, couchés les uns sur les autres dans un pêle-mêle effroyable, pourrissent au milieu des arômes qui les enveloppent et des lianes qui le couronnent. D'autres arbres se dressent majestueusement du milieu de ces fourrés, avec des épanouissements de branches dévorant un immense parc autour d'eux, sans que l'ombre épaisse qu'ils projettent au loin empêche la végétation échevelée et furieuse de se presser autour de leur trône. Lorsque l'on foule ces débris entassés, craquant et s'effondrant à chaque pas, on sent, en pressant ce terrain, des vapeurs étouffantes que le sol envoie au visage. Toutes les plantes surgissant de cet engrais éternel ont un aspect pléthorique et vénéneux qui atterre. On est fasciné à l'aspect de cette nature cyclopéenne, exagérant toutes les proportions et changeant en arbres jusqu'aux bruyères. Parfois, le soleil descend au milieu des ténèbres crépusculaires de ces océans de verdure. Par quelques déchirures que la chute d'un fromager ou d'un palmier séculaire a faites à la voûte feuillue. Alors les plantes que ces rayons ont visitées se parent de fleurs ravissantes, perdues dans ces gouffres où nul regard ne les cherche, où nulle main ne les cueille jamais. Rien n'est mélancolique et silencieux comme ces grands bois, où nul oiseau ne vole et ne chante, où l'on ne voit que par hasard un agouti craintif, se glissant dans des fourrés inextricables, dont le seul bruit appréciable est le bourdonnement monotone et continu des insectes qu'entretient et qu'échauffe le détritus des forêts. L'homme perdu dans ses solitudes peut être considéré comme mort. Jamais il ne parviendra à en sortir. Les murailles mouvantes dont il est entouré lui forment un vert linceul qui l'enveloppe de toutes parts et dont il lui est impossible de soulever le poids, pourtant si léger en apparence mais si lourd en réalité. Tous ses efforts pour sortir des réseaux immenses qui l'enlacent ne font qu'en resserrer davantage les flexibles anneaux. Ses forces s'épuisent dans une lutte insensée. Il chancelle, veut résister encore, tombe et ne se relève plus. C'en est fait, la mort implacable étend vers lui sa main de squelette, et lui, ce vivant si plein de jeunesse, de sève, de courage, de volonté, il est vaincu. Il se couche haletant et succombe dans d'horribles souffrances au milieu de cette luxuriante et puissante végétation qui semble lui sourire railleusement, à quelques pas à peine du but qu'il voulait atteindre, sans se douter que pendant de longues heures, il a vainement consumé toute son énergie à tourner toujours dans le même cercle, sans avancer d'un pas vers la délivrance. C'était dans une de ces clairières qui, ainsi que nous l'avons dit, se trouvent parfois dans les forêts vierges quatre hommes assis sur des troncs d'arbres renversés, causaient entre eux à voix basse, tout en mangeant de bon appétit un agouti à demi grillé sur les charbons, et buvant à longs traits du tafia renfermé dans une gourde, qu'ils se passaient de main en main. Ces quatre hommes étaient des noirs. Un cinquième, assis un peu à l'écart, le coude sur le genou et la tête dans la main, dormait ou réfléchissait. L'immobilité de statue dans laquelle depuis longtemps il demeurait et ses yeux fermés, prêtait également à ces deux suppositions. Les Noirs n'étaient autres que des nègres marrons. Ils avaient chacun un fusil appuyé contre la cuisse et une hache passée dans la ceinture. Hache dont ils se servaient pour se tracer une route à travers ce fouillis de lianes, si étroitement enchevêtrées les unes dans les autres. Près d'eux, sur le sol, se trouvaient des régimes de bananes, des sapotilles, plusieurs noix de coco et une quantité d'autres fruits de toutes sortes, dont ils paraissaient apprécier beaucoup la saveur. À quelques pas de là, dans un hamac en fil d'aloès de plusieurs couleurs, suspendu entre deux énormes fromagers, une jeune femme était couchée et dormait. Cette jeune femme, dont la respiration douce et régulière et le sommeil calme et paisible ressemblaient à celui d'un enfant, était Mademoiselle Renée de la Brunerie, enlevée la nuit précédente avec une si audacieuse témérité dans l'habitation de son père, au milieu de ses amis et de ses défenseurs. Il était un peu plus de 5 heures du soir. Le soleil baissait rapidement à l'horizon. L'ombre des arbres grandissait en s'allongeant d'une façon démesurée. Le ciel commençait à prendre une teinte plus sombre. À l'approche de la nuit, les grondements rauques de la Soufrière, sur les pentes de laquelle courait cette forêt vierge, devenaient plus distincts et plus menaçants. Soudain, par un mouvement brusque, mais parfaitement calculé, les nègres se couchèrent le fusil en avant, derrière les énormes troncs d'arbres qui, un instant auparavant, leur servaient de siège. Leurs oreilles félines avaient perçu un bruit faible, à peine appréciable, mais se rapprochant rapidement de l'endroit où ils étaient campés et sur la cause duquel il fut bientôt impossible de se tromper. Seul l'homme dont nous avons parlé, un mulâtre, n'avait pas fait un geste, ni semblé attacher la plus minime attention à ce qui inquiétait si fort les nègres marrons. Bientôt on aperçut un noir se glissant avec précaution entre les arbres. Ce noir portait un bandeau sanglant autour de la tête. Il en avait un second sur la poitrine, et enfin un troisième enveloppait son bras au-dessus du coude. Malgré ses 3 blessures, ce nègre paraissait frais et dispos. Son visage était souriant. Il marchait avec légèreté au milieu des débris de toutes sortes, qui à chaque pas entravaient sa marche. Son fusil était rejeté en bandoulière, et il tenait à la main une hache avec laquelle probablement il avait taillé un chemin pour parvenir jusqu'à l'endroit qu'il venait d'atteindre. Ce nègre était Pierrot, que nous avons vu si chaudement poursuivi pendant le change audacieux qu'il avait donné. Il avait réussi à s'échapper par miracle, mais non sans emporter avec lui le plomb des chasseurs. En le reconnaissant, les nègres avaient repris leur place et s'étaient tranquillement remis à manger. « Bonjour, » dit le noir en s'approchant. « Bonjour, » répondirent laconiquement les autres. « Où est Massa Télémaque ?»« Là. Est-ce qu'il y a du nouveau ?» demanda curieusement un des marrons en étendant le bras dans la direction où se trouvait le mulâtre. « Cela ne te regarde pas, » fit Pierrot. L'autre haussa les épaules avec dédain et se remit à manger. Pierrot s'avança alors vers Télémaque, mais celui-ci sembla alors se réveiller tout à coup. Il se leva et lui fit un signe de le suivre dans une direction opposée. « Eh bien, lui demanda-t-il, lorsqu'ils se trouvèrent placés à égale distance des noirs et du hamac, as-tu des nouvelles ?»« Oui, Massa. »« Tu as fait tes courses ?»« Toutes. »« Parle, je t'écoute. »« Par quoi faut-il commencer ?»« Par ce que tu voudras. »« Par l'habitation, alors ?»« Par l'habitation, soit. » »« Tout est en rumeur là-bas. Ils font des battues de tous les côtés. » Le marquis a expédié plusieurs courriers à la basse terre, puis il s'est résolu à s'y rendre lui-même. Il est parti et arrivé. Bien, continue. Le commandeur, M. David, est maintenant le chef de l'habitation. Des postes nombreux ont été établis du côté de la haie. Toute surprise serait désormais impossible. À présent, cela m'est égal. C'est juste, fit le nègre en jetant un regard du côté du hamac. Mais cela nous a coûté cher. Possible, mais aussi nous avons réussi. On ne peut pas dire le contraire. Et le chasseur de rats? Il a disparu depuis cette nuit. Seul? Non, en compagnie d'un sergent français. Cela ne vaut rien. Personne ne sait où il est allé? Personne. Ce vieux diable doit être sur nos traces. Il connaît nos repères aussi bien que nous. C'est probable. Cet homme est notre mauvais génie. Nous ferons bien de nous tenir sur nos gardes. « Ah, Ici, je ne le crains pas. C'est égal, Massa. On ne se repent jamais d'avoir été prudent. Cet homme est bien fin. Tu as toujours peur, toi. Ce n'est pas ce que vous disiez ce matin, Massa. J'ai tort, excuse-moi, Pierrot. C'est grâce à toi seul que nous avons réussi. Mais sois tranquille, mes précautions sont prises. Si rusé que soit le chasseur, cette fois son flair de limier sera mis en défaut. Je le désire vivement, Massa. Cependant, je vous avoue que je n'ose l'espérer. Continue. De l'habitation, je me suis rendu selon vos ordres au fort Saint-Charles. Ah ah, as-tu réussi à y pénétrer? Certes, et cette blessure au bras en est une preuve. Qu'est-ce que c'est que cela? Une balle qu'un grenadier français m'a envoyée, et qui m'a traversé le bras au moment où, après avoir trompé les sentinelles, je frappais à la poterne de l'Est, pas autre chose. Enfin, tu es entré, c'est le principal. Je suis entré, oui, Massa. As-tu vu le capitaine Ignace? Oui, il m'a interrogé. Je lui ai raconté tout ce que nous avons fait. Que t'a-t-il répondu? Il a froncé le sourcil et il a grommelé je ne sais quoi entre ses dents. J'ai cru entendre « c'est trop cher, cette péronnelle ne vaut pas le quart du sang généreux qu'elle a fait verser. » Est-ce tout? Fit Télémaque avec un mouvement d'épaule. Non, Massa. Massa Ignace est enfermé seul avec moi dans une chambre. Il m'a fait boire un verre de bon tafia et il m'a donné 4 gourdes, de belles gourdes toutes neuves. Pas ces détails. Puis il m'a dit « continue imperturbablement, Pierrot. Je suis content de toi, tu es un brave. » C'est convenu, mais au fait, dit Télémaque en frappant du pied avec impatience. J'y arrive, Massa. Alors, Massa, capitaine Ignace, a ajouté. Tu vas retourner tout de suite auprès de Télémaque. Tu lui diras que je suis très satisfait de lui, qu'il faut qu'il se hâte. Que ce soir, à 10 heures, je ferai une sortie sur les lignes du côté du Galion, afin de faciliter son entrée dans le fort. Télémaque se tiendra prêt. Il passera à travers les lignes et filera rapidement sur nos derrières pendant que nous protégerons son entrée dans Saint-Charles. Ce ne sera pas facile cela. C'est ce que j'ai fait observer à Massa Ignace. Ah, il ne t'a pas rompu les os? Non, mais il a ajouté, tu diras à Télémaque que je le veux. Il le veut, tout cela est bel et bien, mais la besogne est rude. Beaucoup. Les Français enveloppent complètement le fort. Ils ne laissent pénétrer personne dans leur retranchement. Cependant, tu les as traversés 2 fois, toi. Oui, mais j'étais seul, et malgré cela, j'ai attrapé une balle. Enfin, nous essayerons. À l'impossible, nul n'est tenu. Un homme n'est pas de fer. De quel côté se fera la sortie? Par la courtine de l'ouest, du côté du Galion. C'est en effet l'endroit le plus propice. Oui. Et tu m'as dit à 10 heures? À 10 heures, oui, Massa. À la grâce de Dieu, nous tenterons l'affaire. Ce qui m'inquiète surtout, c'est ce vieux démon de chasseur. L'œil gris? Oui. Il a suivi notre piste, comme j'ai tout lieu de le supposer. Puisqu'il a quitté cette nuit l'habitation, il pourra nous causer bien de l'embarras. Ah, cela est malheureusement possible. Bah, ne nous décourageons pas ainsi à l'avance. Tu dois être fatigué et avoir faim. Repose-toi et mange. Chaque heure amène avec soi ses ennuis. Profitons des quelques moments de tranquillité qui nous restent encore. Après, eh bien, nous verrons. Tout cela n'est pas rassurant, grommela à part lui, Pierrot, en se dirigeant vers ses compagnons. C'est égal, je regrette beaucoup de m'être jeté si sottement dans cette bagarre, et surtout d'avoir quitté l'atelier où j'étais si heureux, ajouta-t-il en poussant un énorme soupir. Et le pauvre diable alla s'asseoir tout pensif. Télémaque était assez contrarié de l'ordre que lui faisait donner le capitaine Ignace. Il comprenait fort bien toutes les difficultés presque insurmontables de cette expédition. Il en calculait toutes les chances dont, bien peu, évidemment, étaient en sa faveur. Seule cette affaire, tout en lui présentant d'énormes difficultés, ne lui paraissait cependant pas impossible. Mais en compagnie d'une femme à laquelle il lui était enjoint péremptoirement de témoigner les plus grands égards, et le plus profond respect, les conditions changeaient complètement. L'affaire se présentait sous un jour tout différent, et qui était loin de diminuer les difficultés, si nombreuses déjà, de cette audacieuse entreprise. Le mulâtre en était là de ses réflexions, qui n'avaient rien de positivement gai, lorsque Mademoiselle de la Brunerie ouvrit les yeux, se redressa sur son hamac, et après avoir jeté un regard triste, presque désespérée, autour d'elle, lui adressa doucement la parole. « Monsieur, lui demanda-t-elle, prétendez-vous donc me faire errer ainsi longtemps en votre compagnie, à travers ces inextricables forêts ?»« Mademoiselle, lui répondit-il respectueusement, ce soir même nous arriverons. »« Dans quel endroit, s'il vous plaît ?»« Dans celui où j'ai reçu l'ordre de vous conduire. » Toujours les mêmes réponses, toujours le même système de mystère et de réticence. Prenez-y garde, monsieur. Tout cela finira peut-être plus tôt que vous ne le supposez, et vous payerez cher le crime que vous avez commis en m'enlevant violemment, et d'une façon si odieuse à ma famille. Mademoiselle, j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, je ne suis qu'un instrument entre les mains bien plus puissantes des hommes que je sers, une machine qui ne raisonne, ni ne discute. Je reçois des ordres, j'obéis. Mon rôle se borne là. Il serait souverainement injuste à vous, mademoiselle, de vous en prendre à moi de ce qui vous arrive, lorsque, au contraire, la responsabilité en doit remonter tout entière à ceux qui m'emploient. Est-ce aussi à ces personnes dont vous vous obstinez à taire le nom, dit-elle avec ressentiment, que je dois attribuer les procédés humiliants et surtout arbitraires dont vous usez envers moi ? Je ne crois pas, sur l'honneur, mademoiselle, m'être un seul instant écarté du respect que je vous dois. En effet, monsieur, je le constate. Vous êtes très respectueux en parole, mais malheureusement vos actes forment un complet contraste avec vos paroles mielleuses. Je vous le répète, une fois encore, je ne suis pas aussi abandonné que vous feignez de le supposer. J'ai des amis nombreux, dévoués, ils me cherchent, ils approchent. Peut-être même en ce moment sont-ils beaucoup plus près de nous que vous ne le croyez. Au même instant, comme pour affirmer la réalité des paroles, ou plutôt des menaces de la jeune fille, un bruit assez fort se fit entendre dans les halliers. Mais ce bruit, qui frappa distinctement l'oreille exercée des nègres marrons, ne parvint pas à celle de Mademoiselle de la Brunerie. Le mulâtre essaya de sonder les masses de verdure qui l'entouraient, mais l'obscurité déjà assez épaisse sous le couvert de la forêt ne lui permit de rien distinguer. « Mademoiselle, reprit-il avec vivacité, « l'heure est venue de nous remettre en route. »« Encore ? » dit-elle avec découragement. « Un peu de courage, mademoiselle. Cette fois est la dernière. Mais la marche que nous avons à faire est longue, hérissée de dangers. Il nous faut partir un instant. »« Et si je refusais de vous suivre ? » reprit-elle avec hauteur. « Je serais, à mon grand regret, forcé de vous y contraindre, mademoiselle, » répondit Télémaque d'une voix à l'accent de laquelle il n'y avait pas à se méprendre. « Oui, voilà les procédés généreux dont vous faites un si bel étalage, et le respect dont vous prétendez ne jamais vous écarter envers moi, monsieur. » Télémaque et les nègres étaient de plus en plus inquiets. Ils sentaient qu'un danger s'approchait. Ils jetaient autour d'eux des regards anxieux. Le bruit que déjà ils avaient entendu se renouvelait plus intense et semblait être beaucoup plus rapproché de leur campement. Le mulâtre fronça le sourcil. « Mademoiselle, dit-il froidement mais nettement, « voulez-vous, oui ou non, consentir à nous suivre ?»« Non, » dit-elle avec force. « Vous y êtes bien résolu ?»« Oui. »« Alors, excusez-moi, mademoiselle, et n'imputez qu'à vous-même ce qui arrive. Je suis obligé d'exécuter les ordres que j'ai reçus. Faites, vous autres. » En moins d'une minute, la jeune fille fut enveloppée dans son hamac, solidement garrottée, sans cependant qu'on lui fît le moindre mal, et deux nègres s'emparèrent d'elle après que Télémaque lui eut enveloppé la tête d'un voile de gaz, qui, sans gêner la respiration, l'empêchait cependant de voir. « Il était temps, murmura le mulâtre, en passant la main sur son front inondé d'une sueur froide. « Allons, en route, vivement. Ne voyez-vous donc pas que nous sommes suivis ? » ajouta-t-il avec colère. Les nègres ne se firent pas répéter deux fois cet avertissement. Ils disparurent sous les taillis. Presque aussitôt, les branches s'écartèrent, et deux hommes, précédés d'une meute de chiens ratiers, firent irruption dans la clairière. Ces deux hommes étaient le chasseur et le sergent Yvon Kerbrock, dit l'aimable. Les chiens allaient et venaient le nez à terre, sentant et furetant dans toutes les directions. « Ils ont campé ici, dit le chasseur, à peine sont-ils partis depuis 5 minutes. »« Nonobstant, comment pouvez-vous savoir cela, vieux chasseur ? » répondit le sergent. L'œil gris haussa les épaules. « Regardez le feu, dit-il. « Je le vois, vieux chasseur. » Même qu'il me semble ardent, mais peu m'importe. Eh bien, vous ne comprenez pas ? Parbleur, je comprends que c'est un feu, et que probablement il ne s'est pas allumé tout seul. Peu n'importe d'ailleurs par qui il a été allumé. Au contraire, cela importe beaucoup. Les hommes qui l'ont allumé se sentaient suivis de si près qu'ils sont partis sans prendre la peine de l'éteindre. Au fait que je considère que vous avez subrepticement raison, les moricauds ont filé en nous entendant venir. Grâce à vous, qui faites en marchant un bruit d'enfer? Sans cela, nous les surprenions. Ah, dame, camarade, que j'entrevois du vrai dans ce que vous dites. Les routes sont si mal entretenues dans ces parages déserts et sauvages qu'il est très difficile, foncièrement parlant, pour un homme civilisé de les parcourir sans se casser les reins. Le chasseur se mit à rire. Êtes-vous fatigué? Lui demanda-t-il. Moi, un ancien de la Moselle fatigué? Jamais, vieux chasseur. Alors reprenons la chasse. Voyez, les chiens sont inquiets. Pauvres petites bêtes, elles ont sans vous commander beaucoup plus d'intelligence que bien des gens que je connais. Que peu n'importe de qui je parle. En effet, cela ne fait rien. Partons-nous, sergent? Un modeste instant, simplement pour allumer Juliette. Qu'est-ce que c'est que cela, Juliette? C'est ma pipe, vieux chasseur. Êtes-vous fou? Allumez votre pipe? Il ne manque plus que cela pour nous faire découvrir. De vrai? Pardieu, vous devez le comprendre. Sacrebleu, en voilà par exemple un chien de métier, qu'on ne peut pas tant seulement griller une bouffarde à sa convenance. Peu n'importe, il me paiera ce désagrément fastidieux plus cher qu'à la cantine. Le premier qui me tombera dessous la patte. Et le sergent serra sa pipe d'un air tragique. Tombons dessus en double et pinçons-les le plus tôt possible, ajouta-t-il. Je fumerai ensuite. Peu n'importe ce qui surviendra. Allons, mes bellots, allons en chasse, dit le chasseur à ses chiens. Ceux-ci partirent aussitôt sous bois. Les deux hommes les suivirent. Surtout, je vous en supplie, sergent, pas un mot, même à voix basse. Sans vous commander, vieux chasseur, je serai muet comme un phoque. Ah, pas peur, je connais la consigne aussi bien que quiconque. Voilà qui est dit. La nuit était complètement tombée, les ténèbres si épaisses dans ces inextricables fourrés de verdure qu'à moins de 4 pas de distance, il était impossible de distinguer le moindre objet. Mais à part le danger de se casser le cou à chaque minute ou de tomber brusquement à la renverse en butant contre une racine, ou de se jeter sur un arbre placé au hasard, en travers du passage, il était impossible de s'égarer. Les nègres ne pouvaient dissimuler leurs traces, car ils étaient eux-mêmes contraints de tracer leur chemin au milieu de cet impénétrable fouillis, la hache à la main. Ceux qui venaient ensuite n'avaient plus qu'à suivre cette voie. Cependant, plus les deux hommes avançaient, plus la forêt s'éclaircissait. Les buissons et les halliers se faisaient moins serrés. Les arbres s'écartaient à droite et à gauche. Selon toutes les probabilités, ils n'allaient pas tarder à déboucher dans la savane à la grande satisfaction du sergent Carbrock, dont la marche n'était qu'une suite de culbutes, plus ou moins risquées. Ce qui, malgré les observations réitérées du chasseur, lui faisait pousser des exclamations retentissantes qui s'entendaient au moins à 100 pas à la ronde. Tout à coup, ils se trouvèrent sur une déclivité assez rapide. La forêt ne présentait plus alors qu'un bois assez facile à traverser. Au bout d'un instant, ils émergèrent sur une savane immense, couverte de bruyères assez hautes, au milieu de laquelle, à une portée de fusil à peu près devant eux, ils virent bondir comme une bande de daims effarouchés les ombres noires des marrons que depuis si longtemps ils suivaient à la piste. Ils avaient descendu ainsi, sans s'en douter, jusqu'à 200 mètres au plus du rivage de la mer, et il se trouvait à une assez courte distance des retranchements du galion. Le chasseur comprit aussitôt la tactique des Noirs. Avant un quart d'heure, abrité par les fortifications du fort Saint-Charles, où maintenant il était évident pour lui qu'il se rendait, il lui échappait sans retour. Il redoubla d'efforts et courut avec une rapidité extrême, suivi pas à pas par le sergent qui se piquait d'honneur et préférait de beaucoup cette course plate à travers la savane à celle si désagréablement accidentée que pendant de longues heures il avait faite dans la forêt. Les nègres, embarrassés par la jeune fille, qu'ils étaient contraints de porter sur leurs épaules, perdaient peu à peu du terrain, malgré l'agilité avec laquelle ils dévoraient l'espace. Ils sentaient l'ennemi sur leurs pas. « Y sommes-nous ? » demanda tout à coup l'œil gris sans ralentir sa course. « Parbleu, répondit le sergent, toujours courant. « Allons, en joue et visons bien. « Feu !» Les deux coups éclatèrent à la fois. Sans s'être communiqué leurs intentions, les deux hommes avaient visé les noirs porteurs du hamac. Les pauvres diables roulèrent foudroyés sur le sol. Deux autres remplacèrent aussitôt les morts, et la fuite recommença, plus rapide et plus échevelé que jamais. Cependant, ces deux coups de feu avaient donné l'éveil tout le long de la ligne. Maintenant, c'était à travers une fusillade soutenue que les fugitifs étaient obligés de passer. Bientôt, des 5 hommes, 2 seulement restèrent debout. Ils continuèrent à pousser hardiment en avant. À ce moment, une violente canonnade éclata sur les parapets du fort, et de nombreuses troupes de révoltés sorties par les 2 poternes secrètes se ruèrent, la baïonnette en avant, sur les glacis. Il y eut alors une mêlée sanglante et acharnée entre les assiégeants et les assiégés, mêlée d'autant plus terrible qu'elle avait lieu dans les ténèbres et à l'arme blanche. Le chasseur et le sergent n'avaient point abandonné la poursuite des Noirs de Télémaque. Tout en courant, ils avaient rechargé leurs armes. Et malgré les péripéties du combat, dont les glacis étaient en ce moment le théâtre, ils n'avaient pas perdu de vue une seconde ce que depuis si longtemps ils chassaient. 2 nouveaux coups de feu éclatèrent. L'un des 2 derniers nègres tomba comme une masse. Le second chancela. Mais par un effort suprême de volonté, se raidissant contre la douleur et réunissant toutes ses forces, il enleva le hamac, le jeta résolument sur son épaule et recommença à fuir. Soudain, sans qu'il pût se rendre compte de la façon dont cela était arrivé, il reconnut avec effroi que ses 2 ennemis étaient près de lui, qu'ils se tenaient à ses côtés. Il y eut de part et d'autre une seconde d'hésitation. Puis, comme d'un commun accord, les 2 hommes fondirent la baïonnette en avant sur le nègre. Il leur fit bravement tête. Les 2 baïonnettes s'étaient enfoncées à la fois dans son dos et dans sa poitrine. Cependant, par un effort surhumain, il posa son lourd fardeau à terre, et saisissant malgré sa double blessure son fusil par le canon, il le brandit au-dessus de sa tête en criant d'une voix vibrante « À moi, Ignace, à Télémaque !»« Ah, chien marron !» s'écria le chasseur en redoublant ses coups. « À moi, Ignace, à moi !» cria de nouveau le mulâtre, en portant au sergent Kerbrock un coup d'assommoir terrible, que celui-ci évita à moitié, mais qui cependant le fit rouler sur le sol. En ce moment, une foule de révoltés se rua de ce côté, ayant le capitaine Ignace à leur tête. « Ah, tu ne m'échapperas pas cette fois, je te tuerai, chien !» s'écria le chasseur exaspéré par la chute de son compagnon. Et d'un dernier coup de baïonnette, il cloua le mulâtre sur le sol. Mais le fruit de sa victoire lui échappa. Seul, et n'ayant en main que son fusil déchargé, au moment où il se baissait pour s'emparer du hamac, il fut brusquement repoussé par le capitaine Ignace, qui enleva le précieux fardeau sur ses puissantes épaules. Le chasseur fut malgré lui contraint de reculer devant la masse des révoltés qui se précipitait sur lui. Mais il ne voulut pas abandonner son pauvre compagnon à la barbarie des Noirs. Il le chargea sur ses épaules, et alors seulement il consentit à rétrograder, mais pas à pas, comme un lion vaincu, et sans cesser de faire face à ses ennemis. Il est vrai que ceux-ci, ayant atteint le but qu'ils se proposaient, c'est-à-dire s'emparer de la jeune fille, ne poussèrent pas la sortie plus loin. Au contraire, ils regagnèrent en toute hâte le fort, sous la protection de leurs canons, tirant à pleine cible.